Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet, dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Alors, cette semaine, ce mois-ci, nous allons aborder une thématique spécifique, le marché du développement personnel, une émission co-animée avec Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. J'espère que tu es en forme. Ah, mais oui, comme toujours. Alors, donc, bienvenue donc pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Alors l'engouement pour le développement personnel ne se dément pas. Nombreux sont les Français à chercher des conseils pour trouver leur équilibre, libérer leurs émotions ou se défaire de leur angoisse et de leur peur. En France, le développement personnel représente environ 30% du marché du livre. Le bien-être donc sans donc être un business qui se porte bien et ce mois-ci, nous allons nous concentrer sur le marché des applications mobiles consacrées justement au développement personnel. Donc on va tenter d'être le plus clair possible, Francine, avec notre invitée, Émilie Adam, qui est coach en développement personnel sur Nancy et qui vient donc de lancer une nouvelle application Crocodet. Bonjour Émilie Adam. Bonjour Francine, bonjour Jérôme. Bonjour. Alors Francine, petit rappel à nos auditeurs, nous avions déjà reçu il y a quelques mois Émilie Adam en recherche justement de financement pour donc le lancement de son application via le crowdfunding. Ah oui Jérôme, donc le crowdfunding ou financement participatif permet via Internet à des particuliers d'investir directement dans les entreprises, soit en devenant propriétaire en achetant des actions, soit en prêtant des capitaux moyennant des intérêts ou dans une moindre mesure en don. Voilà, et on peut retrouver cette émission sur Radio Fadjet en replay, hein, cette émission consacrée au crowdfunding. Alors Émilie, quel bilan pouvez-vous tirer de votre campagne de financement ? Alors un bilan super positif, on a atteint 130% de notre objectif et quelques mois plus tard, le développement de l'application a été terminé, donc voilà, au top. Et donc je suppose que vous avez dû trouver des financements complémentaires, notamment bancaires. Alors oui, on a envisagé plusieurs scénarios, le prêt bancaire classique, prêt d'honneur, investisseur. Et finalement, pour cette version, on a choisi d'investir 60 000 euros sur nos fonds propres en plus de la campagne. Alors très bien, Émilie. Donc avant d'évoquer cette nouvelle application que vous venez de lancer, petit retour en arrière. Comment êtes-vous arrivée à ce métier de coach en développement personnel ? Alors au départ, j'étais éducatrice spécialisée, mais assez rapidement, j'ai été un peu désabusée par les conditions de travail qui m'empêchaient d'être en adéquation avec mes valeurs. Donc j'ai tout lâché pour monter ma première entreprise à 21 ans, donc c'était une librairie. Et en fait, j'ai vraiment trouvé ça génial d'être à son compte parce que je pouvais créer quelque chose qui me ressemblait à 100%, vraiment être moi dans mon travail. Et l'entreprise, elle a grandi rapidement. Mon chiffre d'affaires était en augmentation constante de 20% chaque année. Mais au bout de 5 ans, je prends conscience que l'univers commerçant ne me plaît pas totalement et je réfléchis à ce qui me passionne réellement. Et puis depuis mon adolescence, je me rends compte que je suis intéressée par le développement personnel et au détour d'une vidéo, je découvre le métier de coach et je me reconnais beaucoup dans l'énergie et je modélise facilement comment je peux être en adéquation avec mes valeurs et faire sens dans cette profession. Et après tout s'est enchaîné très rapidement, je me suis inscrite et puis 2 ans plus tard, j'étais diplômée. D'accord, donc petite question que l'on pose désormais à tous nos invités. Quel est l'un des plus beaux moments professionnels que vous avez rencontrés ? Alors j'en ai beaucoup des beaux moments professionnels, heureusement, parce que finalement chaque personne que j'ai accompagnée et qui s'en va provoquer la même joie à l'intérieur de moi. Je suis toujours émue de les voir s'envoler vers leur nouvelle vie, devenir à nouveau acteur ou actrice de leur vie et je m'investis vraiment dans chaque accompagnement, donc je crée une vraie relation, une relation unique et sincère avec chacun et c'est vraiment génial de les voir cheminer, avancer et partir parce qu'ils n'ont plus besoin de moi. Et donc, l'un des moments les plus difficiles ? Alors, l'année dernière, une personne que j'avais accompagnée en 2021, qui était jeune, sportive, et qui avait vraiment pris son envol après le travail qu'on avait fait ensemble, et qui avait toute sa vie pour se réaliser, qui avait des projets incroyables, qui est malheureusement décédée brutalement de la Covid. Et ça m'a particulièrement touchée. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots la naissance de Crocodeil ? Alors, j'ai à cœur de faire changer le monde à mon niveau. Et aujourd'hui, je fais principalement des accompagnements one-on-one. Et Crocodeil, en fait, c'est vraiment une application qui peut me permettre d'impacter un maximum de personnes. Si chacune commence à prendre soin d'elle sur le plan de son développement personnel, eh ben, il y a fort à parier que ça va rayonner sur son entourage et rendre le monde plus beau. Donc, le lancement de votre application Crocodeil est le prolongement logique de la création de votre cabinet afin de toucher le plus grand nombre. Pouvez-vous nous préciser quel est le principal contenu de cette application ? Alors oui, c'est une application qui permet de recevoir un challenge chaque jour par rapport à un problème de développement personnel. Donc chaque défi prend moins de 10 minutes à être réalisé et ça permet vraiment de se mettre en mouvement vers la réalisation de son problème. Et si on commence à modifier ses comportements, eh bien on obtient des résultats différents. Il y a beaucoup de gens qui surconsomment du développement personnel au travers de centaines de livres, de milliers de vidéos, mais il y en a trop peu qui passent réellement à l'action. C'est un peu une sorte d'hyper-intellectualisation des notions et ça ne permet pas de changer. Donc pour ça, il faut vraiment vivre le développement personnel et c'est pour ça que j'ai créé Crocodeil. Alors donc concrètement, Émilie, donc moi si j'ai des soucis, je dors très mal, donc je me connecte à votre application et ensuite, que proposez-vous ? Alors je propose une série de 3 questions pour bien expliquer votre problème. Donc quelles sont les raisons qui font que vous dormez très mal ? Et ensuite, un coach va déterminer l'objectif. Donc en l'occurrence, le problème de sommeil, bah, peut-être que dans les réponses, on va se rendre compte que c'est lié à un problème de stress. Donc l'objectif, il pourrait être « je veux bien gérer mon stress et améliorer ainsi mon sommeil ». Puis à partir de ce moment-là, vous allez recevoir un challenge à réaliser tous les jours pour vous aider à mieux gérer votre stress. Donc par exemple, une petite vidéo qui va vous proposer d'expérimenter la cohérence cardiaque, qui est un exercice de respiration, le soir avant de vous endormir, ou un autre challenge qui sera de faire le point avec votre médecin traitant sur ce sujet, ou encore de ne pas utiliser votre téléphone une heure avant d'aller vous coucher. Voilà, donc une succession de petits challenges un peu fun, un peu ludiques, pour vous permettre d'aller résoudre ce problème de stress et derrière de mauvais sommeil. Oui, donc c'est assez motivant de faire ces challenges tous les jours. Totalement. On reçoit, c'est ça, tous les jours, un petit SMS. C'est ça, on reçoit une petite notification qui invite à se connecter sur l'application et à prendre connaissance de son challenge du jour. Et du coup, c'est un peu la surprise. C'est un peu comme si c'était Noël tous les jours. C'est vrai que pour l'avoir testé, je trouvais que c'était intéressant. Alors après la première pause musicale, on abordera donc justement le marché de ces applications mobiles. Alors simplement, Émilie, je vous ai demandé de choisir, donc de me sélectionner 2 chansons de musique coup de cœur qui traitent justement du développement personnel. Alors quel a été votre premier choix ? Alors, La Quête de Orelsan, ça m'évoque vraiment le fait qu'on ne vit pas dans l'instant présent. Quand on est petit, on veut être grand. Quand on est grand, on est nostalgique du passé. Mais ça passe plus vite qu'on ne le pense et c'est important de profiter de chaque instant. Très bien. Eh bien, on retrouve tout de suite Orelsan. Donc, La Quête, c'est votre premier coup de cœur musical. Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là, j'ai dit près de toi c'est là ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile, quand je sais pas je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit je sais pas tout, j'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans je voulais juste en avoir 7. À 7 ans j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain. Le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket. Je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros m'a offert les Jordan 8 avec les scratch. Donc je fais tout pour le rendre fier quand il vient me voir à tous les matchs. Je rentre au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi, tout, nous, on n'avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent je suis tombé amoureux, mais pour une fois c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes, je vois plus que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans, je suis juste un fantôme, du moins c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle, pourtant elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare, je me dis que l'amour c'est surcoté. Mon frangin m'éclate au basket, alors je préfère abandonner. J'ai 15 ans, je regarde Kids en boucle, je traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi, donc je le répercute sur mon frère. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je descends les marches, la peur au ventre, pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide, on se comprend plus donc je dis plus rien. J'ai 16 ans et je passe par la fenêtre pour rejoindre les autres au skatepark. On boit des bières, on fume des joints et je raconte tout ça dans mes raps. Les années passent, même un peu trop, au point que j'ose plus chanter mon âge. Mon frangin filme quand je mets la bague, ma frangine anime le mariage. Les choses que j'ose dire à personne sont les mêmes qui remplissent des salles. Maman est là, mon père est fier et l'univers est pas si mal. À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Voilà, c'était La Quête, donc une chanson donc d'Aurel San, qui était le premier coup de cœur donc d'Émilie Adam. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Oui, vous êtes bien donc sur Radio Fadjet et nous accueillons pour cette émission l'Instant Écho Émilie Adam, donc coach en développement personnel, pour nous parler du marché du développement personnel à l'occasion du lancement d'une application mobile Crocodé. Alors, avant de lancer votre application mobile, avez-vous mené une étude de marché afin de vous positionner au mieux par rapport à la concurrence ? Oui, tout à fait. On a passé pas mal d'heures avec mon associé à faire ses recherches. Et donc la concurrence est féroce sûrement sur ce marché, donc avec notamment des applications comme Fabulous et Mon Cher Pas. Comment envisagez-vous de communiquer pour vous faire connaître et vous distinguer ? Alors on est en plein dedans, donc finalement on utilise un peu les classiques, les réseaux sociaux, les médias nationaux, régionaux, les influenceurs, des partenariats avec d'autres coachs et puis simplement développer mon propre réseau et ma propre notoriété en tant que coach. Alors vous avez lancé cette application il y a quelques mois, alors je suppose que vous tentez donc d'apporter des améliorations régulières à cette application en tenant compte des premiers retours de vos clients. Justement, quels sont ces premiers retours ? Alors oui, tout à fait. Nous travaillons sur la V3 actuellement. Et les V3, version 3. Ouais, c'est ça, la version 3. Et les premiers retours sont vraiment très positifs. Les gens trouvent l'application très utile et ludique. Ils adorent vraiment recevoir leurs petits défis quotidiens qu'ils attendent avec impatience. Beaucoup de clients nous disent, beaucoup d'utilisateurs nous ont dit que c'est un peu comme si c'était Noël tous les jours. Donc c'est vraiment encourageant et motivant. Donc, avez-vous déjà tiré un premier bilan des demandes les plus fréquentes ? Alors oui, nous avons interviewé une dizaine d'utilisateurs et nous allons apporter vraiment plein de nouveautés dans les 6 prochains mois. Donc, par exemple, nous sommes en train de retravailler l'axe motivation par la gamification et puis on compte aussi améliorer le design et l'expérience pour que ce soit encore plus fluide et simple pour les utilisateurs de l'application. Alors, je suppose que vous avez conservé votre cabinet sur Nancy. Alors, pas évident, je suppose, de concilier cette activité avec le lancement de votre application. Alors oui, tout à fait. Je continue à travailler avec les personnes en rendez-vous individuel et puis je travaille encore avec les entreprises, les écoles, les associations. C'est effectivement beaucoup de travail, mais c'est aussi très complémentaire. Finalement, les personnes que j'accompagne utilisent l'application et c'est vraiment un plus pour elles. Ça les aide à rester motivées entre les séances et à atteindre plus rapidement leurs objectifs. Donc, bien sûr, il y a du travail, mais c'est tellement complémentaire que finalement, ça fait sens. Et alors, pensez-vous justement recourir à des prestataires extérieurs en cas de montée en puissance de votre application? Alors, c'est déjà le cas. Nous travaillons avec des prestataires extérieurs pour le développement de l'application. Et actuellement, nous sommes en train de chercher à internaliser justement cette compétence de développement. On est un peu en réflexion parce que ça peut être bien qu'on ait effectivement un développeur qui travaille à 100% pour le projet. Et je suppose que vous allez peut-être avoir aussi la nécessité d'investir de nouveaux fonds pour continuer votre développement. Oui, tout à fait. On va avoir besoin d'argent et on va certainement faire des prêts ou éventuellement trouver un investisseur en levant des fonds. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, Émilie, donc de la concurrence, notamment avec les applications comme Fabulous ou Mon Sherpa. Alors, comment vous vous distinguez par rapport à ces deux applications? Alors, Fabulous et Mon Sherpa sont vraiment différents dans le sens où ils vont apporter, notamment pour Fabulous, beaucoup de contenu informatif, un peu comme un blog. Et il y a également des sortes de challenges, mais qui vont être un peu différents, peut-être un peu moins fun et un peu moins ludiques. Et surtout, il n'y a pas de sur-mesure, il n'y a pas de personnalisation. Aujourd'hui, Crocodé est 100% personnalisé. Ça veut dire que c'est moi, en tant que coach, qui vais prendre les réponses d'un utilisateur et qui vais construire un objectif par rapport à cette problématique qui a été citée et qui va construire 30 challenges pour accompagner cette personne à modifier un petit peu ses comportements et obtenir un résultat différent. Et puis Mon Sherpa, c'est plutôt une application dédiée à la santé mentale qui va aider entre deux séances chez son psychologue. Donc on n'est pas exactement sur le même versant. Santé mentale et développement personnel sont deux thématiques différentes, complémentaires mais différentes. Et donc concrètement, vos clients, est-ce qu'il y a des thèmes dont ils ont besoin de traiter, qui reviennent régulièrement? Et je suppose aussi que parmi ces thèmes-là, même si ce sont des thèmes identiques, vous adaptez par rapport à leurs problématiques au fur et à mesure de l'évolution. Ouais, les challenges. Tout à fait. Les challenges, même si la thématique semble identique, vont être vraiment adaptés par rapport aux réponses que la personne aura données. Dans les thématiques les plus régulières qu'on voit pour l'instant des utilisateurs, il y a beaucoup la gestion du stress, gestion des émotions. Il y a la communication aussi, que ce soit dans le couple ou dans l'environnement professionnel. L'affirmation de soi, la confiance. C'est à peu près les grosses thématiques qui reviennent. Et puis après, il y a des thématiques beaucoup plus ciblées qu'on va retrouver un peu moins souvent, réorientation professionnelle, problématiques dans le couple, des choses. Mais derrière, après, on identifie derrière les réponses souvent que dans le couple, il y a aussi un problème de communication. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment personnalisé. Même si, évidemment, il y a peut-être des challenges qui vont être similaires pour deux personnes qui vont traiter une même thématique, ça va peut-être pas être abordé dans le même niveau de progression, pas au même moment, et beaucoup de choses vont différer. Et au niveau du public, est-ce qu'il y a plutôt des jeunes qui viennent vous voir ou des personnes plus âgées? Il n'y a pas vraiment un public qui domine? Alors, on a fait le choix, nous, de collecter un minimum de données sur l'application et de ne pas demander cette information. Ah oui. Donc, on ne peut pas évaluer on ne peut pas évaluer les tranches d'âge. On observe qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Par contre, par rapport au prénom, on peut à peu près estimer cette donnée. Mais on a vraiment fait le choix de collecter. D'ailleurs, la personne, quand elle s'inscrit sur l'application, si elle n'a pas répondu à ses trois premières questions, on n'a pas collecté ses données, elle ne sera pas relancée, elle ne sera pas harcelée. Enfin, on a fait le choix d'être dans un marketing bienveillant et respectueux de personne. Alors après la deuxième pause musicale, on parlera un petit peu des dérives du développement personnel. Alors on vous a demandé donc de sélectionner donc une deuxième chanson coup de cœur en lien donc avec le développement personnel. Alors Émilie, pressée de connaître votre choix. Alors j'ai choisi La Même de Vianney et Gims, qui parle de la difficulté de sortir de la case dans laquelle la société nous met et surtout la difficulté d'assumer qui on est pleinement. Eh bien écoutons tout de suite votre deuxième coup de cœur. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey, on y range les gens qu'au fond jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Bah c'est la même, si je vous gêne, bah c'est la même. Voilà, c'était donc la même, c'était donc le donc de Gims et Vianney, donc qui est le deuxième coup de cœur d'Emily Adam. Alors donc Emily, j'aurais une petite question. Je me demande, les clients quand ils viennent, ils ont donc une problématique à résoudre. Est-ce que ça prend du temps et comment le client arrive à percevoir le fait que effectivement cette problématique, il l'a résolue et que ça va beaucoup mieux. Alors, quand un utilisateur télécharge l'application, voilà, il doit réfléchir à la problématique qu'il souhaite résoudre et ensuite, moi, je lui définis une direction, un objectif à atteindre. La personne, sans en avoir l'air, en réalisant ces petits défis quotidiens qui prennent moins de 10 minutes, va commencer à modifier dans son cerveau des connexions neuronales, des zones, etc., activer des choses qu'elle n'a pas l'habitude d'activer. Et petit à petit, à force de modifier ses comportements, elle va commencer à obtenir des résultats différents et à percevoir des choses différentes, à se positionner différemment aussi dans sa manière de parler, dans sa manière de s'affirmer, etc. Et donc, les autres autour d'elle vont aussi commencer à adopter un comportement différent. Et après, chacun est libre de savoir si il a atteint ou pas son objectif. Et donc, l'utilisateur peut continuer plusieurs mois sur l'application ou s'arrêter en cours de route quand il considère que son objectif est atteint. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est sans en avoir l'air, avec des petits challenges qui, des fois, semblent totalement anodins, voire un peu bêtes. Le simple fait de le faire... va juste bouger des choses dans le cerveau, et à partir de là, bah, y a un changement qui s'opère. Et tous les retours qu'on a, c'est ça, c'est finalement sans que je m'en rende compte, sans que j'ai l'impression de faire un effort colossal et douloureux, parce que c'est un peu l'image qu'on se fait, je dois changer, donc ça va être long et douloureux. Bah, pas forcément, donc les gens, voilà, sans en avoir l'air, se disent, bah, finalement, je change, mon entourage voit que je change, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir changé réellement. C'est un peu comme quand on voit un enfant grandir, finalement on le voit un peu tous les jours et il pousse de quelques millimètres et on perçoit pas cette nuance et on voit pas qu'il grandit. Mais si on s'amuse à faire le avant-après, on se rend compte qu'il y a une vraie différence. Ben là c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est finalement peu coûteux en énergie et ludique et marrant, et en même temps, ben, on avance vers un mieux-être. Alors là, donc, on a vu donc, le côté positif du développement personnel. Alors, le développement personnel s'est fortement développé ces dernières années. Il y a même quelques dérives. Vous n'avez pas peur de vous transformer en gourou du développement personnel sur Nancy ? Alors non, je pense que c'est comme dans toutes les professions, même en psychologie où le diplôme est vraiment réglementé. En fait, aujourd'hui, la problématique du métier de coach, c'est que ce n'est pas réglementé. N'importe qui peut s'auto-proclamer coach sans avoir fait aucune formation. Donc bah, moi déjà j'ai fait une formation qui a duré 2 ans pour avoir les vrais outils, parce que c'est un métier, donc il y a des compétences et des connaissances à acquérir pour être un bon coach. Et à partir de là, voilà, j'ai mis en place certaines choses. Effectivement, en tant que coach, je travaille avec des personnes qui peuvent être un peu dépendantes ou qui pourraient devenir dépendantes, donc je fais bien attention à ma posture, et moi dans ma dynamique et dans mon énergie, le but c'est vraiment d'autonomiser la personne pour qu'elle reprenne conscience qu'elle est la patronne de sa vie, et que petit à petit, ben, il suffit qu'elle se mette en action et qu'elle avance dans la direction qu'elle a déterminée pour qu'elle change. Là où effectivement il y a des dérives, c'est des personnes qui commencent à faire croire à l'autre que c'est grâce au coach qu'elles s'en sortent, et c'est là que les dérives arrivent, et voilà. Donc, si nos auditeurs sont intéressés par votre application, comment s'y prendre ? Tout simplement en allant sur les stores de votre téléphone, Apple ou Google. Vous tapez Crocodé, CROCODAY, dans la barre de recherche. Vous téléchargez l'application et surtout, répondez au-delà du prénom et du comment ça va, répondez à ces 3 questions essentielles qui vont vous permettre de déterminer votre problème. Et c'est parti pour la suite de l'aventure. Et donc, Émilie, donc, dernière question, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Quel est l'argument clé que vous pouvez avancer pour convaincre nos auditeurs de tester votre application ? Eh bien, si je t'avais en face de moi, je te dirais, imagine que tous les jours, tu ressens la même sensation que le matin de Noël avant d'ouvrir tes cadeaux. Eh bien, Crocodé, c'est ça. T'as hâte de découvrir ton nouveau défi du jour. Alors, qu'est-ce que tu attends pour télécharger l'application ? Eh bien, merci Émilie Adam pour toutes ces précisions. On espère plein de succès à votre application donc, mobile consacrée donc, au développement personnel Crocodé. Finalement, il s'en passe des choses, hein, Francine Anoncy. Eh bien, c'est l'objectif de cette émission, l'Instant Éco, de valoriser donc, tous ces acteurs locaux. Alors n'hésitez pas à faire vos commentaires sur la page Facebook de Radio Fadjet, de nous faire des suggestions sur les thèmes que vous souhaitez voir abordés dans cette émission, et puis vous pouvez nous retrouver également sur le site de Radio Fadjet, eh bien, nos émissions en replay. Eh bien Francine, on va se retrouver le mois prochain. Ben oui Jérôme, au mois prochain. Au mois prochain. Émilie, Adam, merci d'avoir, merci à vous. D'avoir participé donc à cette émission. Merci à vous deux, c'était toujours merci, un plaisir. Hein, c'était très intéressant. Très intéressant, oui. Parfait, alors d'ici là, donc, n'oubliez pas de rester fidèle à votre radio préférée, donc bien sûr, Radio Fadjet.